Chapitre 8e. Pendant que le taxi auto nous emportait, Raymond et moi à la maison, chez nous, ma chère femme, réconfortée par ma présence et à qui nous avions fait prendre quelques fortifiants, put me raconter ce qui lui était arrivé et termina ainsi son récit. Ce que j'ai souffert dans cette prison, mon ami, je ne pourrais vous le dépeindre. Il y faisait plus noir que dans les caves les plus sombres, plus froid et plus humide que dans une tombe. Et quel silence, le silence de la mort! Aucun bruit du dehors ne parvenait jusqu'à moi. Je ne savais pas quand il faisait jour et quand la nuit était tombée. Je me disais que dehors il y avait du soleil, de la lumière, des fleurs, que les oiseaux chantaient et que les hommes étaient heureux. Et je ne savais pas, je ne pouvais pas prévoir combien de temps je serais séparé de tout cela, et surtout de vous, mon cher André, mon cher Marie. Je vivais dans l'appréhension constante de voir arriver mon bourreau, la menace ou la supplication à la bouche. Mais je redoutais encore plus ses mots d'amour que ses injures. Il vint à plusieurs reprises voir si j'étais à son égard dans de meilleures dispositions. Mais comme je lui répondais toujours avec le même mépris, la même horreur, il se retirait sans insister, espérant sans doute que l'excès de souffrance, l'ennui, me déprimerait, et qu'à un moment donné je demanderais grâce. Je ne suis qu'une femme. Il pensait que je me lasserais de souffrir, que l'ennui aurait un jour raison de moi. Malheureusement pour lui, je demeurais la même, fidèle à mon amour, fidèle à ma haine, mais je sentais que sa passion s'exaspérait de plus en plus, et j'avais peur qu'il ne voulût un jour abuser de sa force. Ce qui est arrivé précisément au moment où vous avez pénétré dans mon cachot et m'avez délivré. Mais comme j'étais faible, et que j'ai connu de terribles heures, Raymond cessa de parler. Son récit avait porté à leur comble ma haine et mon désir de vengeance. « Et vous ne voulez pas, m'écriai-je, que je tue cet homme? Si, je le tuerais !» Nous étions arrivés. L'auto venait de stopper devant notre porte. Riquet, qui avait pris place auprès du chauffeur, vint ouvrir la portière. J'aidais Raymond à descendre. Elle était encore si faible, la pauvre petite, qu'elle chancelait. En nous voyant entrer, la concierge vint à nous. Elle ne savait rien de la disparition de Raymond, dont je n'avais parlé à personne, mais elle était fort intriguée de n'avoir pas vu ma femme depuis plusieurs jours. Elle eut un cri de surprise. « C'est madame ? » ?»« Oui, madame, que je suis allée chercher chez ses parents. » Remarquant la pâleur de Raymond, « Madame a été souffrante ? » ?»« Oui, très souffrante. » Et nous passâmes sans autre explication. J'avais fait signe à Riquet de nous suivre, et il monta derrière nous. Nous eûmes à subir les exclamations, les manifestations d'étonnement et de joie de Joseph. Je lui ordonnai de préparer pour madame un bon grog bien chaud et d'aller chercher tout ce qu'il fallait pour un repas substantiel. Puis, je m'enfermai dans mon cabinet avec Raymond et Riquet, Raymond que je ne pouvais cesser de contempler, d'embrasser. Il fallait en effet m'occuper sans retard de mon duel. J'y tenais plus que jamais à ce duel maintenant. Je voulais faire expier au bourreau de Raymond toutes les souffrances qu'il lui avait infligées. Ma haine, ma jalousie ne connaissaient plus de bornes. Je me disais que je ne serais heureux et tranquille désormais que lorsque j'aurais fait mordre la poussière au minable tourmenteur. Quelle joie serait la mienne, quand je tiendrais à la pointe de mon épée ou devant le canon de mon pistolet sa figure exécrée et maudite. Je cherchais en mon esprit qui j'allais prendre pour témoin. Il me fallait deux camarades énergiques, ne reculant pas devant les responsabilités, car je voulais un duel à mort. Je désirais que le combat ne prît fin que lorsque l'un de nous serait sur le carreau. Le motif du duel était trop grave pour qu'une simple pique au poignet ou l'échange de deux balles sans résultat pût me satisfaire, et je ne voulais pas révéler ce motif. Il me faudrait prétexter une querelle survenue entre le Bulgare et moi. Quand je parlais de me mettre à la recherche de deux témoins, Raymond devint pâle et Riquet se récria « Vous tenez toujours à vous battre ?»« Plus que jamais. Vous avez entendu quelle torture le misérable a fait subir à ma malheureuse femme. Raison de plus pour ne pas s'aligner avec un homme pareil. » Je le remettrai tout simplement, moi, entre les mains de la justice. Il attraperait quelques jours de prison. Ce ne serait pas une vengeance suffisante pour moi, pour nous. Raymond le comprend bien, et je suis sûr qu'elle m'approuve. Raymond ne disait rien. Elle était devenue seulement un peu plus pâle, et je devinais bien ce qui se passait en elle. Elle trouvait sûrement que j'avais raison, mais elle n'osait pas le dire. Elle avait peur pour moi. « Il faut que je le tue !» m'écriai-je. Je ne serai content que lorsque je l'aurai tué. Ce qu'a fait ce gredin mérite 100 fois la mort. je me tournai vers ma femme. N'est-ce pas qu'il faut que je le tue, et que nous ne serons tranquilles que lorsqu'il sera mort ? Raymonde n'osa pas dire non. Elle se borna à murmurer « Je sors d'une souffrance pour subir de nouvelles affres. » Et je vis des larmes rouler dans ses yeux. Je la saisis dans mes bras, et la serrant avec une tendresse extrême. « Chère, chère femme, ne pleure pas. N'aie pas peur pour moi. Le ciel nous protégera. » Et après avoir donné des ordres pour qu'on la servît, et lui avoir recommandé de se mettre au lit dès qu'elle aurait mangé pour se reposer autant de ses émotions que de ses fatigues, je m'en allai, emmenant Riquet, à la recherche de mes témoins. « Je serai de retour de bonne heure, » dis-je à Raymonde. « Ne soyez pas longtemps, je vous en supplie. Je ne vais pas vivre. » J'avais autant de hâte de revenir auprès de ma chère femme qu'elle en avait de me revoir. Aussi ne fus-je pas longtemps absent. Après moins de 2 heures, j'étais de retour. Raymonde ne s'était pas couchée. Je la trouvais étendue sur un canapé, enveloppée d'un peignoir chaud. Ses couleurs étaient un peu revenues, comme elle était jolie. Je ne pus résister à l'envie de la prendre dans mes bras. « Comme je vous aime, » murmurai-je. Et je pensai la nuit qui nous attendait. Raymonde me repoussa doucement. « Vous avez trouvé ce qu'il vous fallait ?»« J'aurai pour m'assister le directeur du journal et le rédacteur en chef. » Le premier était un gros homme, un peu pacifique, mais je comptais surtout sur mon rédacteur en chef. Il s'était déjà battu plusieurs fois et je le savais énergique. Quand je dis mon désir d'avoir un duel extrêmement sérieux, et fait connaître les motifs de la rencontre, celui-ci devina qu'il y avait autre chose entre le Bulgare et moi qu'une simple dispute, mais il était discret et ne m'interrogea pas. Le directeur prit ce que je disais comme argent comptant et n'en pensa pas plus long. Je m'étais aperçu qu'il était fort heureux de jouer un rôle dans une affaire d'honneur, car c'était la première fois qu'on lui demandait d'être témoin. « Et quand vous battez-vous ? » interrogea Raymonde. « Je ne le sais pas encore. Ce sont les témoins qui vont décider cela. » « Vous ne savez pas non plus à quoi vous vous battez, pas davantage. » Raymonde ne dit plus rien. Je devinais à l'expression de son visage ce qu'elle pensait. Je la pris dans mes bras, et l'embrassant tendrement, je m'efforçais de la rassurer. « Vous verrez, affirmai-je, que tout ira bien. » Elle n'osa pas me parler de ses craintes pour ne pas m'enlever mon courage, mais j'eus l'impression qu'elle avait peur et qu'elle souffrait. « Chère femme, il n'avait encore connu avec moi que des douleurs. » Vers 6 heures, mon rédacteur en chef me téléphona que le duel était pour le lendemain à 8 heures. Et il me fit connaître les conditions qui étaient celles que j'avais demandées. On devait d'abord échanger 4 balles. Et s'il n'y avait pas de résultat, se battre à l'épée jusqu'à ce qu'un des adversaires, de l'avis des médecins et des témoins, se trouva blessé assez sérieusement pour être mis dans l'impossibilité absolue de continuer. Je n'osais pas faire connaître ces clauses sévères à Raymonde. Et quand elle me demanda à quoi nous nous battions, « À l'épée, » répondis-je. « J'aime mieux cela, » dit-elle.